la scène changeait de face. Crevel devenait, selon son mot, maître de la position. L'énormité de la somme agit si fortement sur Crevel que sa vive émotion, en voyant à ses pieds cette belle femme en pleurs, se dissipa. Puis, quelque angélique et sainte que soit une femme, quand elle pleure à chaudes larmes, sa beauté disparaît. Les madames Marneffe, comme on l'a vu, pleurnichent quelquefois, laissent une larme glisser le long de leurs joues, mais fondre en larmes, se rougir les yeux et le nez, elles ne commettent jamais cette faute. « Voyons, mon enfant, du calme, sapristi !» reprit Crevel en prenant les mains de la belle madame Hulot dans ses mains et les y tapotant. « Pourquoi me demandez-vous 200 000 francs? Qu'en voulez-vous faire? Pour qui est-ce »« N'exigez de moi, » répondit-elle, « aucune explication. Donnez-les-moi. Vous aurez sauvé la vie à 3 personnes et l'honneur à vos enfants. »« Et vous croyez, ma petite mère, » dit Crevel, « que vous trouverez dans Paris un homme qui, sur la parole d'une femme à peu près folle, ira chercher, hic et nunc, dans un tiroir, n'importe où, 200 000 francs qui mijotent là, tout doucement, en attendant qu'elle daigne les écumer. Voilà comment vous connaissez la vie. Les affaires, ma belle,